L'atomisme ne commence pas avec Épicure. Le présocratique Leucippe, au 5e siècle avant Jésus-Christ, considérait déjà l'univers comme étant un agencement d'atomes. Et son élève, Démocrite, reprit à son compte ce qu'on peut appeler l'atomisme. Un siècle plus tard, Épicure reprend le flambeau, suivi à sa suite de Lucrèce et... Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, puisque cette idée d'atomisme, elle s'avère extrêmement féconde. Quand on s'est mis à taper dessus de plus en plus fort avec des projectiles issus d'accélérateurs de particules, on s'est aperçu qu'il y avait une sous-structure, et mieux encore, que le proton et le neutron n'étaient pas des particules élémentaires. Le proton et le neutron ne sont pas des particules élémentaires, ça veut dire qu'ils sont constitués de particules plus petites, ce sont les quarks. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire que les quarks sont les atomes de la physique contemporaine ? Je pense que oui, c'est légitime de dire ça, jusqu'à nouvel ordre. Ils sont atomes, au sens étymologique du terme, jusqu'à preuve du contraire. Moi je suis à l'âge atomique, mon cœur est une pile électrique, quand on me crie au pépé, je me sens rayonner, mais tout ça s'explique à l'âge atomique. Je me sens des atomes crochus, quand un gars me croise dans la rue, je lance des radiations, sans y faire attention. C'est fantastique, je suis à l'âge atomique, Bonjour Julie Giovacchini. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Vous avez entendu et peut-être reconnu la voix de Monsieur Atome sur France Culture, Monsieur Physique, Étienne Klein, qui anime l'émission qui s'appelle La Conversation Scientifique. C'est un extrait de son émission du 9 janvier 2016, en compagnie de Bernard Bonin, ancien directeur scientifique du CEA et membre du conseil scientifique de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Tout ça pour vous poser une question assez simple. L'atomisme d'Épicure a-t-il quelque chose à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'atomisme et notamment le quark dont il était question ? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'extrait qu'on a entendu, c'est l'idée que c'est la même chose jusqu'à preuve du contraire. Puisque justement, l'atome épicurien, c'est un principe ontologique. Donc, en théorie, si on pouvait remonter à quelque chose d'antérieur à l'atome épicurien, ça ne serait plus un principe ontologique. Donc, c'est impossible. Donc, pour cette raison, moi, je vois une grande différence entre les deux, qui tient d'abord à la puissance explicative de l'atome épicurien, qui ne recouvre pas exactement ce qu'on va attendre dans la physique contemporaine d'une particule élémentaire. Quand je dis que c'est un principe ontologique, ça veut dire que pour les épicuriens, tout ça part d'une intuition très forte, qui est qu'il n'y a que deux principes qui sont les atomes ou les corps, on reviendra sans doute là-dessus plus tard, et le vide, et qu'on ne peut pas remonter au-delà de ces deux principes, qu'il n'y a rien qui soit plus principiel, j'ai envie de dire plus fondamental que les atomes et le vide. Est-ce que ça veut dire que l'atome, selon Épicure, est davantage d'ordre philosophique que scientifique ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Je ne suis pas sûre que la distinction serait vraiment pertinente pour un philosophe de l'Antiquité, dans la mesure où ce que les épicuriens, comme d'autres, prétendent construire, c'est une explication de la nature, donc ce que nous, on appellerait une physique, finalement. Et cette explication de la nature, c'est une démarche éminemment philosophique. Expliquer la nature, c'est un geste philosophique pour les philosophes de l'Antiquité. Vous êtes, Julie Giovacchini, ingénieure de recherche en analyse de sources et philosophies anciennes au CNRS. Qu'est-ce que ça veut dire, ingénieure de recherche. Ah. On vous imagine démonter les atomes et les observer. Alors, je ne démonte pas des atomes. En revanche, en tant qu'ingénieur de recherche, je suis ce qu'on appelle un personnel support de la recherche. C'est-à-dire que mon travail, ça consiste à produire des outils de travail pour les chercheurs, avec les chercheurs. Et donc, ça m'oblige à faire moi-même un petit peu de recherche quand même sur les outils que je produis. Et je fais de la bibliographie scientifique, principalement. Et vous avez choisi de travailler sur Épicure, vous avez publié un ouvrage notamment qui s'appelle « L'empirisme d'Épicure » aux éditions Classique Garnier. Qu'est-ce qui, chez Épicure, a suscité votre curiosité en premier lieu ? C'est une vieille histoire entre Épicure et moi qui remonte à ma classe préparatoire, puisque nous avions Lucrèce au programme et que j'étais extrêmement intriguée justement par ce texte qui nous résistait à tous d'ailleurs. Donc Lucrèce, un siècle plus tard, voilà. La nature des choses. Lucrèce, le grand passeur de l'épicurisme à Rome, le traducteur en quelque sorte des textes d'Épicure. Et c'est un texte qui résiste, et c'est une philosophie qui résiste. C'est une des seules tentatives de produire une ontologie matérialiste radicale, entièrement matérialiste, et qui prétend, avec la matière, expliquer la totalité de la nature. Et c'est extrêmement difficile d'être un matérialiste conséquent. Et je crois que c'est ça que j'ai eu envie d'explorer au premier chef, c'est jusqu'où on pouvait pousser l'hypothèse matérialiste, à quel moment est-ce qu'on rencontrait des murs, est-ce qu'on pouvait éventuellement dépasser ces murs. Alors qu'est-ce que ça veut dire être matérialiste? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. D'abord, première distinction, est-ce qu'on peut être matérialiste sans être atomiste? Ou est-ce que l'un implique forcément l'autre? On peut totalement être matérialiste sans être atomiste. Les stoïciens sont de magnifiques exemples de matérialistes du continu, alors que l'épicurisme, c'est un matérialisme du discontinu. Et c'est probablement la spécificité la plus importante de l'ontologie épicurienne. Ça, en particulier, des conséquences très lourdes sur la notion de mélange, sur la notion de corps elle-même, corps composé, corps complexe, et sur l'association, on en parlera aussi, de l'âme et du corps. L'âme qui est un corps à l'intérieur du corps, ce qui est extrêmement mystérieux. On en a parlé là sur l'atomisme, et il y aurait à peu près le même distinguo à faire entre le matérialisme antique et ce qu'on appellerait aujourd'hui le matérialisme. Le matérialisme, c'est une notion qui est très très connotée, oui. En particulier depuis le marxisme. C'est intéressant de savoir qu'il y a au départ un petit pont entre les épicuriens et Marx, puisque Marx a fait sa thèse sur les systèmes d'Épicure et Démocrite, et la comparaison justement entre les systèmes d'Épicure et Démocrite. Mais ce qu'il a produit par la suite, la notion de matérialisme marxiste, n'a rien à voir avec le matérialisme épicurien. Puisque là, encore une fois, chez les épicuriens, on est vraiment dans une ontologie qui prétend expliquer la nature. Et qui finalement ne va s'intéresser aux systèmes humains, aux sociétés, que de façon beaucoup plus seconde. Mmh. Donc on pourrait dire pour commencer que le matérialisme, c'est une sorte d'attitude philosophique qui a pour postulat de base que la notion même de matière peut expliquer la totalité des phénomènes du monde physique. Oui, c'est une décision philosophique, effectivement. Est-ce que vous voulez qu'on écoute un premier texte ensemble qui va nous permettre de définir les termes qu'emploie Épicure, et vous allez nous les expliquer ensuite, et de la lettre à Hérodote. On a beaucoup parlé de la lettre à Ménécée jusque-là. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de la lettre à Hérodote? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors la lettre à Hérodote, comme la lettre à Ménécée, ça fait partie des trois lettres que Diogène Laërce recopie à la fin de sa vie d'Épicure, et on le remercie puisque sans lui on n'aurait pas accès à ces textes-là, il serait complètement perdu. Et la lettre à Hérodote, c'est le texte de physique dans lequel Épicure donne une sorte d'abrégé, mais qui est quand même assez touffu pour un abrégé, de l'explication de la nature qu'il propose. Le voici donc, lu par Georges Classe. Le tout est corps et vide. Car que les corps soient, la sensation elle-même l'atteste dans tous les cas. Et c'est à elle qu'il faut se référer pour faire par raisonnement des conjectures sur ce qui n'est pas manifeste. Si d'autre part il n'y avait pas ce que nous appelons vide, place et nature intangible, il n'y aurait nul endroit où les corps pourraient être, ni au travers desquels ils pourraient se mouvoir, comme il apparaît clairement qu'ils le font. En dehors d'eux, on ne saurait même concevoir aucune des choses, ni par saisie directe, ni par analogie avec ce qui est directement saisi, que l'on tient pour des natures complètes par opposition à ce que nous appelons des accidents ou des propriétés de ces natures. De plus, parmi les corps, les uns sont des composés, les autres ceux dont les composés sont faits. Or, ces seconds corps sont insécables et immuables, puisque tout n'est pas voué à se détruire dans le non-être, et que ce qui résiste subsiste dans la dissolution des composés, ayant une nature pleine et ne pouvant être dissous en quelque endroit ni de quelque manière que ce soit. De sorte que les principes sont nécessairement des natures insécables, constitutives des corps. Thank you. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Insécable, retenez ce terme, c'est celui qui nous conduira jusqu'à l'atome épicurien. Épicure dont nous parlons cette semaine, aujourd'hui en compagnie de Julie Giovacchini. Le texte qu'on a entendu, alors on va prendre du temps pour l'expliquer, hein, parce qu'il est à la fois assez simple à l'écoute et technique dans son vocabulaire, commence par une phrase assez évidente, assez intuitive, « le tout est corps et vide ». On se dit, bah oui, forcément, ce qu'on a devant les yeux, c'est à la fois des choses pleines, des corps et des vides. Mais il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose d'assez radical dans cette affirmation, qui présuppose l'existence du vide. Il y a quelque chose qui n'est pas un corps, et ça, philosophiquement même, intuitivement, c'est très très fort, Julie Giovacchini. C'est très très fort et c'est très difficile à l'époque où Épicure écrit ça, parce qu'on est quand même sous le coup de l'interdit aristotélicien. Il n'est pas supposé y avoir du vide dans la nature. Donc là, on a un coup de force qui en réalité n'est pas propre à Épicure, mais qui est peut-être là exprimé de la façon la plus claire pour la première fois, qui est que pour qu'on puisse penser le corps, il faut pouvoir aussi penser le non-corps, ce qui n'est pas du corps. Le corps et le vide vont vraiment fonctionner comme des principes contraires et c'est l'association des deux qui explique ce qui est le phénomène à la fois le plus évident et le plus difficile à expliquer dans l'Antiquité, qui est le mouvement. Le mouvement qui est la caractéristique principale de la nature, la première chose qu'il y a à expliquer, ce dont découle tout le reste et qui résiste au raisonnement, qui résiste à la pensée. C'est l'association du corps et du vide, le vide étant la condition de possibilité de la motion du corps qui va permettre d'expliquer la nature. Sans vide, pas de mouvement. Sans vide, pas de mouvement. Alors comment Aristote en sortait-il ? Aristote en sortait difficilement. Aristote proposait justement une conception du mouvement comme déplacement et finalement, on va dire, translocation des éléments, les uns se substituant aux autres. C'est une hypothèse physique très lourde et très complexe. Celle des épicuriens a l'air beaucoup plus fluide et intuitive, et en réalité, elle est tout aussi complexe. Ce petit texte-là qui a été lu est un champ de mine. Il y a des problèmes métaphysiques monstrueux. De mine d'or ou de mine explosive ? Les deux, puisque si on arrive à déminer, justement, on va trouver de l'or. Mais le paradoxe énorme dont il faut se saisir d'emblée, il me semble, c'est cette idée que nous ne pouvons réfléchir sur la nature qu'en nous appuyant uniquement sur les sensations, ce qui est manifeste. Or, les particules élémentaires, si on s'autorise à utiliser cette expression-là, le corps et le vide lui-même sont invisibles. Le corps et le vide lui-même échappent à la sensation. On ne peut pas en avoir de sensation immédiate. On va être obligé de passer par un certain nombre de médiatisations, dont la plus importante, la plus utilisée dans la physique épicurienne, qui est la figure de l'analogie. C'est-à-dire que pour Épicure, un point quand même sur sa théorie de la connaissance, en fait, la connaissance vient de la sensation. En fait, nous pouvons connaître ce dont nous avons fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Or, du vide et a fortiori de l'atome, nous ne pouvons pas faire l'expérience. Nous ne pouvons en faire que des expériences secondes, des expériences dérivées ou des expériences par analogie. Chez Lucrèce, justement, on va avoir un certain nombre d'analogies assez brillantes qui vont être développées pour donner une idée de ce que peut être le vide, pour se représenter la notion même de vide et même pour en conclure à la nécessité du vide. Mmh. Alors, l'analogie la plus connue, c'est celle des grains de poussière dans le rayon de soleil qui figure le mouvement des atomes au niveau microscopique, mais on en a beaucoup d'autres. Et Lucrèce va utiliser, par exemple, pour penser l'idée d'un principe invisible, l'image du vent. On sent le vent, on voit les effets produits par le vent, mais le vent lui-même, on ne le voit pas. Donc il faut postuler que le vide et les atomes ont la même efficacité que le vent, ils sont principes réels des choses, mais pour autant, on ne peut pas les voir. Est-ce qu'on peut dire que le couple corps-vide est finalement, puisque vous parlez d'analogie, est identique au couple métaphysique plus connu, être et non-être ? Certains ont proposé cette hypothèse de lecture. C'est une hypothèse qui a l'immense avantage de nous maintenir dans le champ de l'ontologie. Donc d'éviter d'avoir une vision trop naïvement réaliste des atomes ou du vide, ça ne fonctionne pas jusqu'au bout. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis au moins Démocrite, cette opposition du corps et du vide, elle est utilisée par les atomistes justement pour se substituer à l'opposition éléate entre l'être et le non-être, qui selon les démocritéens puis les épicuriens, ne peut mener qu'à des apories. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, par exemple, que la question à laquelle on ne peut pas répondre. On ne peut pas y répondre, et pour les épicuriens, ça n'est même pas une question. De toute façon, il y a quelque chose, il faut bien faire avec. Bah, y a du vide. Le vide... C'est encore quelque chose ? Est-ce que le vide est quelque chose ? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à penser que dans les textes, oui. En tout cas, le vide est quelque chose dont on peut parler, et le vide est quelque chose qui a des effets, puisqu'on observe du mouvement. Alors, et décrivez-nous l'univers d'Épicure, justement. Le texte nous en a donné une idée. Finalement, on pourrait prendre des images, vous l'avez fait, les atomes, il faut imaginer les grains de poussière avec le soleil. Comment ça fonctionne? Si, en fait, il y a quelque chose, s'il y a des corps, et que le vide, on peut partir du principe que c'est quelque chose, comment est-ce que ces choses vont s'agencer? Et surtout, et ça c'est une sacrée question, comment ces choses sont-elles venues? Est-ce qu'il y avait, à l'origine de ces choses, à l'origine de cette matière, qu'y avait-il? Un principe? Un dieu? Ou déjà quelque chose ? Alors, les épicuriens sont partisans de l'éternité de l'univers. Donc, la question du commencement ne se pose pas. L'atome étant justement un insécable, c'est le sens premier du terme grec dont on a dérivé l'atome. L'atome étant insécable, il est indestructible, il est absolument éternel. L'atome lui-même est là de toute éternité et nous survivra. Ce qui va être observé dans la nature, ce qui constitue finalement le monde tel qu'on l'observe, ce sont toujours des composés atomiques qui, eux, comme ils sont composés, contiennent du vide, donc sont fragiles. Le vide, c'est pas seulement la condition de possibilité du mouvement, c'est aussi le principe de fragilité à l'intérieur des choses. Pourquoi est-ce que dans la nature telle que nous l'observons, il y a des naissances, des croissances, des déréliction et des morts ? Parce qu'il y a du vide, c'est-à-dire parce qu'il y a un principe de fragilité à l'intérieur des composés. Alors la question que vous posez en fait va nous obliger à rester encore un tout petit peu dans le champ épistémologique, parce que pour décrire le monde ou l'univers à la façon des épicuriens, il faut d'abord se demander à quel niveau de description on va se situer. Puisqu'il y a le niveau qu'on va appeler microscopique, le niveau atomique, où là, ce qu'on peut observer, ce sont des corps qui sont répartis de telle ou telle façon, qui sont agencés les uns par rapport aux autres, mais qui en eux-mêmes n'ont que très peu de qualité. Et ça, c'est la grande force de l'atome démocritéen et épicurien. Pourquoi ça peut être un bon principe explicatif ? Parce qu'il est très peu qualifié. Il a une forme, il a une densité qui provoque son mouvement, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Il est simplement de la matière dans son état le plus élémentaire, le plus brut possible. Ce qu'on n'arrive pas à imaginer d'ailleurs. Ce qui est inimaginable, puisque justement on n'a jamais de sensation des atomes, nous n'avons de sensation que des composés. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des composés? Du fait de leur disposition, les atomes vont, par un processus qui est assez étrange, mais vont susciter dans les composés des propriétés, et des accidents. Les propriétés, c'est ce qui accompagne toujours les composés, et les accidents, c'est ce qui peut changer, ce qui ne va pas accompagner en permanence les composés. Et ce dont nous avons la sensation, ce sont ces propriétés et ces accidents. Mais ces propriétés et ces accidents, elles n'ont rien à voir avec la nature même des atomes, elles sont simplement dépendantes de leur disposition, c'est-à-dire de leur état les uns par rapport aux autres à l'intérieur du composé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'atome à la substance, par exemple? Non, on ne peut pas. Et pourtant, l'atome est le principe de réalité. C'est la grande force de l'atome épicurien, le fait qu'il soit très peu qualifié, parce que justement, les dispositions réciproques sont infinies. Il n'y a pas de limite à la façon dont les atomes peuvent s'agencer les uns à partir des autres. C'est pour ça que, de principe très faiblement qualifié, on peut déduire la totalité de ce qui s'observe. Ça, c'est ce que vous pouvez lire, par exemple, au chant 1 du De Rerum Natura Lucrece, au moment où, justement, il reconstitue l'ontologie épicurienne et il l'oppose aux grandes ontologies présocratiques. Bon, même si maintenant, il ne faut plus utiliser l'expression présocratique. Mais ah, pourquoi pas? Parce que c'est une... historiquement, c'est assez daté. Maintenant, on préfère parler des premiers penseurs, de premiers physiciens. Bon, mais utilisons présocratique parce que c'est commode et tout le monde voit de quoi on parle. Et donc, Lucrèce en passe en revue un certain nombre. Et il va comparer ces principes des anciens physiciens à l'atome épicurien. Regardez, les principes des anciens physiciens, ils sont trop qualifiés. Donc, on ne peut pas déduire la totalité de la variétas de la nature parce qu'on arrive immanquablement à des apories, à des contradictions. Celui qui est peut-être le plus intéressant auquel Lucrèce s'attaque, c'est Anaxagore, qui propose une doctrine d'une complexité absolue qui s'appelle la doctrine des homéoméries, qui est vraiment quelque chose de extrêmement tiré par les cheveux, très passionnant, mais totalement indigeste. Pour le dire de façon très très schématique et caricaturale, en gros, l'idée c'est que si vous avez du bois, le bois est fait de petites particules de bois, si vous avez de l'os, l'os est fait de petites particules d'os, etc. Socrate en parle dans son Phédon, justement, reprenant les arguments d'Anaxagore, qui est causaliste, tel qu'il l'appelle. C'est exactement ça. Et justement, là, on a à la limite la quintessence du principe beaucoup trop qualifié. Et qui donc ne va pas pouvoir permettre décrire la nature dans son infinie variété et dans tous ses changements possibles. Au contraire, l'atome épicurien, il est tout nu, il n'a absolument rien qui l'accompagne à part lui-même, à part sa pesanteur, son mouvement et sa forme, et tout le reste découle des dispositions des atomes. Je propose à chacun l'ouverture de trappes intérieures, un voyage dans l'épaisseur des choses. Une invasion de qualité, une révolution ou une subversion comparable à celle qu'opère la charrue ou la pelle, lorsque tout à coup et pour la première fois sont mises au jour des millions de parcelles, de paillettes, de racines, de vers et de petites bêtes jusqu'alors enfouies. Ô ressources infinies de l'épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de l'épaisseur sémantique des mots. Vous écoutez Francis Ponge sur France Culture. Francis Ponge, que vous avez reconnu dès la première seconde, Julie Giovacchini, comment ça se fait? Alors, j'aime beaucoup Francis Ponge et c'est un peut-être le meilleur lecteur de Lucrèce qu'on ait jamais eu. Il en a une compréhension absolue, un poète qui comprend un poète. Et il y a beaucoup de... Francis Ponge lui-même, dans plusieurs textes, dit qu'il essaye de s'inspirer de Lucrèce, qu'il essaye d'écrire quelque chose comme une petite nature des choses, une petite nature des choses poétiques. C'est contre-intuitif parce que Francis Ponge, dans ses poèmes, décrit la matière, mais avec tous les sens qui ne figurent pas dans l'atome épicurien, puisqu'on est dans la couleur. Là, il parle de l'épaisseur des choses. À la limite, on peut penser que l'atome a une épaisseur, mais l'imaginaire poétique dégagé par Francis Ponge a quelque chose de très intuitif et sensible, justement. Parce que, justement, Francis Ponge, lui, reste au niveau des propriétés et des accidents. Il ne prétend pas descendre au niveau atomique, mais justement, ce qui l'intéresse, c'est comment la chose elle-même se présente devant nous et comment on peut essayer d'avoir dessus un regard qui soit un regard débarrassé de préjugés, débarrassé d'appréhension, qui a un regard proprement épicurien finalement, un regard de physiologiste sur la nature finalement. Ou un regard de phénoménologue, parce que la façon que vous avez de le décrire, ça rappelle Husserl plus qu'Épicure d'ailleurs, non? Oui, alors là, on est en train de s'éloigner très très loin. Oui, mais on va y revenir justement, parce que justement, plus on s'en éloigne, mieux on comprend de quoi le matérialisme est fait, puisqu'on fonctionne aussi par intuition négative. Si vous voulez qu'on revienne justement à l'atomisme, il y a une question qui s'impose après ce que vous venez de dire. Si le monde est composé de ces atomes et de ce vide, que le mouvement vient de la présence du vide, et que ce qu'on appelle des corps sont aussi des agrégats de ces atomes, comment se fait-il? Si tout est régi, tout est matériel, donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'intention divine, il n'y a pas de dessein divin, comment se fait-il que nos corps humains existent, qu'il y ait des objets qui soient quasiment identiques? Si c'était le hasard, il n'y aurait que des formes un peu monstrueuses et rien ne serait semblable. Or, il y a quand même si chaque être humain est différent, des similitudes. Donc comment expliquer finalement que le monde dans lequel nous vivons puisse exister si tout n'est que chaos? Alors, tout n'est pas que chaos. Effectivement, les premiers agrégats dans la cosmologie épicurienne, les premiers agrégats sont le produit du hasard des rencontres atomiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un agrégat se constitue ? Il y a deux possibilités. Soit c'est un agrégat stable, et dans ce cas-là, il va continuer, prospérer, agglomérer d'autres atomes, croître. Et puis, à un moment, il va basculer de l'autre côté et décroître et revenir à la pulvérisation originelle. Mais entre les deux, il aura eu ce moment de stabilité où quelque chose va pouvoir naître qui accompagne cet agrégat. Ou alors, c'est un agrégat instable. Et dans ce cas-là, il va se détruire très rapidement. Si l'agrégat est stable dans la cosmologie épicurienne, il va progressivement constituer ce qu'on va appeler un monde. Et à l'intérieur de ce monde, on va voir des régularités qui apparaissent. C'est-à-dire que les systèmes causaux épicuriens sont des systèmes complexes. On a d'une part la causalité au niveau atomique qui, elle, effectivement, est toujours hasardeuse, qui vient des chocs et du rebondissement des atomes les uns avec les autres. Et au niveau de l'agrégat stabilisé et du monde, on va avoir une causalité beaucoup plus régulière, ce que Lucrèce appelle dans le De Rerum Naturae les pactes de la nature, quelque chose qui va justement rendre possible l'explication des phénomènes naturels. Parce qu'effectivement, on ne pourrait pas expliquer la nature si tout n'était que chaos et hasard. Donc, pour les épicuriens, à partir du moment où on est dans un monde, il va y avoir des règles qui vont être les règles de la génération, les lois de la physique telles qu'elles sont comprises à l'époque, et qui vont permettre de repérer dans la nature, effectivement, ce que vous dites, des choses qui se répètent, des identités qui permettent de penser, de raisonner et de comprendre. Mais ces règles-là sont inhérentes au monde lui-même ou elles sont la projection de l'esprit humain qui essaie de comprendre ? Elles sont inhérentes au monde, puisque ça c'est un argument que vous trouvez souvent chez les épicuriens. Si vous plantez une graine dans la terre, c'est un arbre qui va pousser, c'est pas une vache ou c'est pas une table. Le fait que la génération, par exemple, suive des règles et ne puisse pas être faussée ou manipulée trop, ça c'est bien un signe que la chose elle-même, à partir du moment où elle a une existence stabilisée, produit son propre régime explicatif, parce qu'elle produit ses propres effets. Vous avez employé le terme de naissance, ça veut dire quand quelque chose naît. Mais en toute rigueur, si tout est déjà là, rien ne peut naître. Comment est-ce qu'on comprend la naissance selon un point de vue matérialiste épicurien ? C'est juste un assemblage différent d'atomes ? Alors, la question que vous posez, c'est une question assez actuelle dans les études épicuriennes, puisque de plus en plus on se demande s'il ne faudrait pas parler d'émergence à propos de ce qu'on observe justement dans les explications cosmologiques et physiques épicuriennes. Moi, j'aime bien le terme de naissance parce que, d'abord, il nous rapproche de la notion même de nature. Grec, puisque la fucis, c'est d'abord la plante qui croît, c'est la nature telle qu'elle se développe sous nos yeux, et dans la nature vivante, ce qu'on observe, ce sont des naissances. Et je trouve en particulier que cette notion de naissance va très bien, peut-être plus, elle va, probablement elle s'accorde mieux avec Lucrèce qu'avec Épicure. Oui. Épicure est un matérialiste plus froid, plus aride. Lucrèce, justement, c'est un observateur de la nature qui s'inspire énormément dans les analogies qu'il construit de la vie biologique. Et c'est Lucrèce, justement, qui, pour traduire la notion d'atome, contrairement à Cicéron, par exemple, ne va pas choisir de juste translittérer le terme grec, mais va lui chercher des équivalents latins très variés. Et en particulier, il va utiliser beaucoup la notion de semence. Les atomes, ce sont les semences de la nature. Donc ce terme de naissance, finalement, il nous permet peut-être de nous représenter, là encore, de façon non caricaturale, ce que c'est qu'une nature épicurienne. Puisque la nature épicurienne, c'est un lieu où, effectivement, il y a du nouveau qui émerge. Soit ce nouveau survit, soit c'est un monstre, donc il ne peut pas survivre, donc il va s'éteindre. Et pour reprendre, justement, le niveau biologique, si la nouveauté qui émerge est stabilisée, elle va se reproduire. Et donc là, ça y est, on a une régularité. et la reproduction des êtres vivants, c'est quelque chose qui, pour le coup, va suivre une causalité qui est une causalité tout à fait biologique et qui n'a plus rien à voir avec les chocs atomiques. Lucrèce introduit un concept qui est resté célèbre aujourd'hui, qui est celui de Kleinamen, qui permet d'expliquer comment certains atomes qui suivent une trajectoire linéaire vont parfois se rencontrer et donc former des agrégats. Le Kleinamen, c'est la déviation de la trajectoire d'un atome qui lui permet d'entrechoquer un autre atome et ainsi de produire ce que nous, on pourrait appeler du nouveau. Alors, c'est une grande pomme de discorde, cette histoire de déclinaison. Comme vous l'avez fait remarquer, le terme même de déclinaison n'apparaît pas dans le corpus épicurien de première main, ce qui est transmis par Diogène Laërce. Pour le moment, il n'apparaît pas non plus explicitement dans les fragments retrouvés du grand traité sur la nature d'Épicure. Alors, il y a 2-3 passages, on a des doutes, on se demande si il y a pas question de déclinaison, mais il n'y a pas de certitude. En revanche, Cicéron en parle et Lucrèce, évidemment, produit dessus des pages tout à fait mythiques. Cette déclinaison, moi j'aime bien en parler comme une forme de Deus ex machina, parce qu'effectivement c'est ce qui va intervenir pour expliquer, pour colmater un petit peu l'ontologie à un endroit où sinon elle serait évidemment défaillante. Les atomes, dans le grand vide éternel, on va dire, se déplacent en ligne droite. Alors, on dit souvent qu'ils tombent, c'est pas totalement vrai, parce que ça voudrait dire qu'il y a un haut et un bas, ce qui n'est pas le cas. Parce que l'espace est infini. Donc, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Bon, ils se déplacent de façon rectiligne. Et comme ils se déplacent de façon rectiligne et tous à la même vitesse, il n'y a aucune raison que jamais ils se croisent. Donc, comme ils ne se croisent pas, il n'y a pas d'agrégat. Donc effectivement, pour que quelque chose émerge à un moment ou à un autre, il faut que les atomes dévident leur trajectoire. Ce que Lucrèce décrit comme la déclinaison selon le degré le plus petit possible, le plus faible possible, à un moment indéterminé et pour des raisons indéterminées. C'est-à-dire que c'est de la contingence pure, le Kleinamen. Et parce qu'il y a cette contingence pure qui advient à un moment, des atomes peuvent se rencontrer et donc des agrégats peuvent se constituer. On a fait beaucoup de reproches depuis Cicéron déjà à cette hypothèse, parce que justement c'est une hypothèse ad hoc, c'est quelque chose dont même parfois on a pu soupçonner qu'elle n'était pas une hypothèse d'Épicure lui-même, mais qu'elle avait été rajoutée dans l'histoire de la doctrine pour répondre à des objections. On la trouve chez Épicure ou chez Lucrèce ? On la trouve chez Lucrèce. C'est sûr, mais déjà chez Épicure. Chez Épicure, on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas de traces textuelles de ça. Mais Lucrèce suit Épicure de si près, il est si proche de lui dans ce qu'on peut comparer, que moi, personnellement, ça m'étonnerait énormément qu'il n'y ait pas eu de déclinaison déjà, sinon chez Épicure, du moins dans les tout premiers textes qui suivent Épicure dans l'histoire de l'école épicurienne. Mais à la limite, ça, c'est un faux de problème. Il se trouve que depuis Cicéron et Lucrèce, le Kleinamen, il est là, et c'est devenu quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire des études épicuriennes. Très important, notamment, à partir justement du marxisme, à partir de la dissertation de Marx, et parce que Marx fait du Kleinamen, justement, peut-être la première manifestation dans l'histoire de la pensée, d'une véritable pensée de la liberté. Mais oui, c'est ça. En tout cas, le Kleinamen est la preuve d'une contingence, dans ce que vous avez dit, dans un univers qui pourrait paraître absolument déterminé. Alors oui, si on en restait uniquement aux chutes d'atomes dans le vide et à la viabilité ou non des agrégats, on serait dans un système physique qui serait comme le système démocritéen, strictement déterministe. Or, l'épicurisme n'est pas un système physique déterministe. Épicure a des mots très durs, en particulier dans la lettre à Ménécée, contre les déterministes. Il en reparle dans les Maximes Capitales et il a développé un certain nombre d'arguments contre le déterminisme. Il est absolument certain que les épicuriens ont voulu, par leur explication de la nature, préserver, laisser une place pour la volonté. La volonté ou la liberté ? J'aime pas trop parler de liberté parce que justement, on est dans un monde pré-augustinien, donc bien avant le libre arbitre. Voilà, on va dire volonté libre, comme ça, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Autre chose qu'un déterminisme, autre que le fait chose d'être qu'un mu par une causalité qui nous dépasse. Et donc Épicure tient à maintenir cet espace de, alors du coup, j'ose plus dire liberté. mais qui fait que l'être humain peut choisir quelque chose. Il n'est pas uniquement le fruit ou le soumis à des règles qui le dépassent. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que dans le texte même de Lucrèce, puisque c'est à peu près le seul texte vraiment développé qu'on ait sur le clinamen, dans le texte même de Lucrèce, il est bien dit que le clinamen, justement, est ce qui va permettre d'expliquer la volonté libre. Et en même temps, Lucrèce ne nous dit absolument jamais comment. Mais c'est ça. Comment est-ce qu'on passe du niveau de la déclinaison atomique à moi qui vais décider, qui vais prendre telle ou telle décision ou qui vais choisir de lever mon bras plutôt que de le baisser, le lien entre les deux n'est jamais fait. C'est un problème. C'est un très gros problème. C'est un problème qui est même redoublé par le fait que les exemples que Lucrèce utilise pour donner une représentation analogique de ce que c'est que le clinamen et de comment le clinamen peut être une condition de possibilité de la volonté libre sont des exemples très difficiles à comprendre et qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec ce que nous, on peut mettre justement dans la notion de liberté. Est-ce que ce serait une limite du matérialisme épicurien? En tout cas, ça a été considéré pendant très longtemps comme une limite, et tous les grands commentateurs des épicuriens dans l'histoire se sont heurtés à cette question du clinamen et ont essayé de comprendre ce que les épicuriens entendaient exactement par là, et c'est une question qui est en grande partie indécidable. Montaigne lui-même, qui est un grand lecteur d'Épicure, écrit au chapitre 12 du deuxième livre des Essais, ce qu'on appelle l'apologie de Raymond Sebond, « Que dire des épicuriens? Par quelle étourderie étaient-ils allés imaginer que leurs atomes, qui à leur dire étaient des corps ayant quelque pesanteur et un mouvement naturel vers le bas, eussent bâti le monde jusqu'au jour où ils furent avisés par leurs adversaires que si l'on s'en tenait à cette description, il n'était pas possible que ces atomes se joignissent et s'agrippassent l'un à l'autre, puisqu'ainsi leur chute était droite et perpendiculaire et engendrait partout des lignes parallèles. » Et il termine son texte en disant « Si les atomes ont, par le fait du hasard, formé tant de sortes de figures, pourquoi ne se sont-ils jamais rencontrés pour faire une maison, un soulier? Pourquoi de même ne croit-on pas qu'un nombre infini de lettres grecques versées au milieu d'une place serait capable d'arriver à composer le texte de l'Iliade ?» Ce qui est une manière de pointer, selon lui, l'insuffisance du système épicurien. Alors en fait, il y a pas mal de choses dans la réfutation, on va dire, de Montaigne. Il pointe une chose vraie, qui est qu'effectivement, sans la déclinaison atomique, on serait bien embarrassé pour expliquer comment des atomes peuvent se rencontrer et composer des agrégats. Mais il y a aussi cette image des lettres de l'Iliade. Et il se trouve qu'en fait, c'est une image qui est vieille comme l'atomisme lui-même, puisque Lucrèce aussi fait plusieurs reprises dans le De Rerum Natura des allusions l'analogie, on va dire, entre les atomes qui composent la matière et les lettres qui composent un livre, qui composent un texte. Mais justement, pour Lucrèce, au contraire, l'argument est en faveur de l'atomisme, puisque l'idée de Lucrèce, c'est d'expliquer que on voit bien que justement, avec un nombre assez limité de lettres, il n'y a pas de limite à ce que la fantaisie humaine peut composer. Et quelques lettres d'un alphabet suffisent à composer par l'agencement des mots la totalité des textes possibles. Et c'est pareil avec les atomes et le monde. Et c'est exactement la même chose. Les atomes, si faiblement qualifiés qu'ils sont, suffisent à expliquer la totalité de la variété de la nature. Un point de méthode déterminant, parce que ça va expliquer comment est-ce qu'Épicure élargit le champ de sa connaissance, pas simplement au monde dans lequel nous vivons, mais aussi sans doute aux astres, et voire même à la question des dieux. Il ne va pas se poser cette question-là. Voici donc un extrait de la lettre à Pythoclès, les paragraphes 86 et 87, toujours lus par Georges Clès. Il faut pratiquer l'étude de la nature, non pas en se référant à des propositions vides ou à des décrets arbitraires, mais à la manière dont nous y invitent les choses apparentes. Car notre vie, en réalité, n'a pas besoin que l'on ait une opinion irraisonnée et vide, mais que nous menions une existence exempte de troubles. Tout donc est inébranlable, tout étant pleinement élucidé, en accord avec les choses apparentes, selon le mode de la pluralité des causes, quand on laisse subsister comme il convient ce que l'on dit de vraisemblable à propos de ces faits. En revanche, quand on maintient une explication et que l'on rejette l'autre, alors qu'elle s'accorde de la même manière avec ce qui apparaît, il est clair que l'on tombe du même coup en dehors du champ de la science de la nature, pour sombrer dans le mythe. Julie Giovacchini, aidez-nous à comprendre comment fonctionne Épicure, cette méthode là ici qu'il énonce, cette méthode par analogie, pour étendre le champ de la connaissance à autre chose que ce qu'il peut observer, parce qu'on a bien dit que finalement ce dont il parle, il ne peut pas vraiment l'observer, encore moins les astres. Alors dans la lettre à Pythoclès, donc c'est la troisième lettre d'Épicure, lettre à Hérodote, l'abrégé de la physique, lettre à Ménécée, l'abrégé éthique que tout le monde connaît bien, et la lettre à Pythoclès. La lettre à Pythoclès, c'est vraiment un cas particulier. C'est une lettre qui porte sur ce qu'on appelait à l'époque les météoras, c'est-à-dire les phénomènes naturels très lointains, très exceptionnels, donc soit non observables parce que trop éloignés, soit non observables parce que trop rares, les éruptions volcaniques, les choses de ce genre. Ce que tous ces phénomènes ont en commun, c'est d'être des phénomènes effrayants ou des phénomènes qui sont susceptibles d'alimenter ce qui est le grand ennemi des épicuriens, la superstition religieuse. Et évidemment, quand on s'intéresse dans l'Antiquité aux astres, les astres sont des dieux. Dans le Panthéon, les astres sont des dieux. On rend un culte aux astres. Donc c'est assez délicat de s'attaquer à ce type d'objet de spéculation. Donc dans la lettre à Pythoclès, il s'agit non seulement de donner une méthode scientifique, comment est-ce qu'on va mener des investigations sur des objets si rares ou si éloignés, mais aussi comment est-ce qu'on va produire des explications qui ne renforcent pas la superstition au lieu de la dissiper. Le but, c'est quand même de dissiper la superstition. Et c'est pour ça que dans ce texte-là, on a une allusion au mythe. Qu'est-ce que ce serait qu'une explication mythique ? Ce serait une explication qui ne tiendrait pas compte de la spécificité de l'objet envisagé. Or, quand il s'agit d'un objet inobservable dans l'expérience normale de quelqu'un, on ne peut pas utiliser le même type d'explication que pour un objet extrêmement proche ou extrêmement familier. Et c'est dans la lettre à Pythoclès qu'Épicure va développer l'idée que dans ce domaine-là du savoir, on va proposer des explications multiples. Ce qu'il appelle les explications multiples, ce sont différentes explications qui ont toutes en commun préserver l'observation telle qu'elle peut être faite, qui n'oblige pas à forcer l'observation, qui n'oblige pas à postuler des réalités ou des causes qui s'opposeraient à l'observation telle qu'on peut la mener dans le monde qui nous entoure. Et le fait que ces explications soient multiples est nécessaire parce que justement, comme ce sont des objets très éloignés, on ne peut pas trancher. On ne peut pas préférer une explication à une autre. Donc on va préserver l'ensemble du réseau explicatif qui permet de rendre compte de ce phénomène sans alimenter la terreur religieuse et sans aller contre ce que nous dit l'expérience quotidienne. Et toutes les explications qui remplissent ce cahier des charges peuvent être maintenues. Et on va se refuser à chercher une explication unique, puisque là, ce qu'on ferait, en fait, ce serait simplement produire un nouveau mythe. Ce serait un mythe de physicien, ce ne serait plus un mythe de prêtre, mais ce serait un mythe quand même. Ce que donc Épicure veut à tout prix éviter, mais est-ce que ça veut dire que... Enfin, comment fait-il pour à la fois tenir ce qu'on peut appeler un monisme, savoir que tout appartient au même univers, et en même temps ne pas expliquer les choses avec un principe unique. Il tient le multiple dans l'un, en fait. Alors, je suis pas sûre qu'on pourrait parler de monisme, parce que justement, les épicuriens croient à la pluralité des mondes. L'univers étant infini, la quantité d'atomes et de vides étant infinie, il n'y a aucune limite au nombre de mondes possibles. Il y a forcément une pluralité de mondes. Le monde dans lequel nous habitons n'est qu'un avatar parmi des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'autres. Mais monisme ne signifie pas que nous vivons dans un seul monde, mais qu'un seul principe, enfin que la matière en l'occurrence permet de tout expliquer. La matière permet de tout expliquer, mais nous n'avons absolument aucune idée de la façon dont la matière s'agence dans ces autres mondes. Donc, non seulement dans ces autres mondes, nous serions probablement confrontés à des phénomènes dont nous n'avons absolument aucune idée ici et maintenant, mais pour un phénomène semblable, ou en tout cas en apparence semblable, il n'est pas dit que la même explication tiendrait. Encore une fois, il faut bien distinguer les deux niveaux. On peut parler de monisme au niveau atomique, ouais. Mais quand on fait de la physique, on n'est jamais au niveau atomique. Ouais. On est toujours au niveau des composés et des agrégats. Au niveau des composés et des agrégats, là, c'est la variété qui est la règle. Et donc, c'est pareil pour les dieux. Parce que les dieux, selon Épicure, donc si vous identifiez les astres aux dieux, etc., ça veut dire que ce sont des assemblages, enfin des agrégats d'atomes, ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes lois que les nôtres. Ça veut dire que les dieux, les astres sont mortels également, par exemple. Alors, déjà pour les épicuriens, les astres ne sont pas des dieux. Les dieux, c'est encore autre chose. Il ne faut pas diviniser les astres, justement. Les dieux, pour les épicuriens, ont forme humaine. Puisque la notion universelle que nous en avons, et qui pour les épicuriens se retrouve dans absolument toutes les sociétés, partout où il y a des hommes, pour les épicuriens, il y a une notion du dieu. Il n'y a pas d'exemple de société qui n'ait pas construit une notion de dieu. Ces dieux ont forme humaine. Ces dieux, ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont indestructibles. Non pas parce qu'ils seraient faits d'une matière différente de la nôtre, mais parce qu'ils sont dans un environnement privilégié. Alors ça, c'est des choses dont on n'a vraiment que des traces dans le corpus épicurien. Il y a quelques petites choses là-dessus, en particulier chez Cicéron, dans son texte sur la nature des dieux, où il passe en revue un certain nombre de théologies de son époque. Il commence par la théologie épicurienne, il a des mots très durs, évidemment, pour la théologie épicurienne. Et c'est en particulier dans ce texte de Cicéron qu'on voit apparaître la notion d'intermonde, pour décrire le lieu où vivraient les dieux. Donc ce seraient des sortes de zones très protégées dans lesquelles les dieux ne seraient pas soumis au même choc atomique que nous subissons en permanence. Donc ils seraient moins sujets à l'usure. Et on a aussi des traces de l'idée selon laquelle les dieux sont faits d'atomes tout comme nous, oui. Mais leur constitution serait particulièrement résistante pour des raisons qui sont assez mystérieuses en réalité. On doit reconnaître que les dieux ont une forme humaine, dit Cicéron. Cependant, cette forme n'est pas un corps, mais une sorte de corps. Elle n'a pas de sang, mais une sorte de sang. Alors oui, dans le texte latin, c'est quasi-corps et quasi-sang. Et alors, des kilomètres de textes ont été écrits pour essayer de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, que ce quasi-corps et que ce quasi-sang. Et là, le spectre des explications possibles est très très vaste. Donc, ceux qui sont allés le plus loin dans les hypothèses explicatives, c'est ceux qui considèrent qu'en réalité, ce que les épicuriens appellent des dieux, ce ne sont pas des réalités séparées, ce ne sont pas des individus qui vivraient justement dans des intermondes et qui auraient un corps propre, mais ce seraient plutôt des projections plus ou moins fantasmatiques qui seraient produites par les humains. Ce serait une façon de faire des épicuriens finalement des athées. C'est une hypothèse qui existe dans les études épicuriennes, qui est un peu forcée quand même, mais qui a le mérite de se confronter à cette histoire de quasi-corps et de quasi-sang. D'autres hypothèses, beaucoup plus mainstream on va dire, justement, consiste à élaborer la notion d'un dieu épicurien qui serait particulièrement résistant, qui aurait un corps qui n'aurait pas les faiblesses du corps humain, peut-être parce qu'il aurait moins de vide. Dans le De Natura Deorum, on a des pages très très drôles, en fait, où Cicéron se moque un peu des dieux épicuriens, demandant, mais alors est-ce qu'ils ont des organes? Est-ce qu'ils digèrent? Est-ce qu'ils marchent? Tout ça, c'est des faiblesses, finalement, du corps humain. Est-ce qu'on peut considérer que les dieux banquettent? C'est assez amusant à lire, mais en fait, ça derrière la perfidie de Cicéron, il y a une pointe qui est assez bien dirigée. Oui. Parce qu'effectivement, la nature des dieux dans le matérialisme épicurien, c'est très difficile à saisir. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui dans les études épicuriennes, puisque c'est votre travail, c'est votre métier, hein, Julie Giovacchini? Que garde-t-on de cette pensée épicurienne? Est-ce qu'il faut dire que finalement ça appartient à une époque et qu'aujourd'hui il n'y a plus grand-chose qui tient, que ça a été réfuté par la science et par la philosophie, ou est-ce qu'il reste des choses qui vous semblent encore fécondes pour la pensée et actuelles? Je pense que c'est tout à fait fécond et actuel dans la mesure où la théologie épicurienne, c'est une des très rares théologies qui essaye de penser un dieu sans culte associé. Ou alors avec un culte qui va être très très différent de ce qu'on va d'habitude injecter dans la notion de culte. Les dieux épicuriens sont heureux. C'est ce qui les caractérise en premier. Parce qu'ils sont immortels, parce qu'ils sont invulnérables, parce qu'ils n'ont aucune raison de souffrir. Et parce qu'ils sont heureux, ce sont des êtres qui n'ont absolument aucun besoin. Et en particulier, ils n'ont pas besoin de nous. C'est-à-dire que la théologie épicurienne tranche dans le vif et considère qu'il ne peut pas y avoir de relation de servitude ou de dépendance, ni des hommes vis-à-vis des dieux, ni des dieux vis-à-vis des hommes. Puisque quand même, quand on réfléchit à la notion même de sacrifice dans les cultes antiques, qu'est-ce que c'est que le sacrifice ? C'est d'abord donner à manger aux dieux. Les dieux épicuriens n'ont absolument pas besoin qu'on leur donne à manger. Donc ça oblige à penser de façon radicalement différente ce que pourrait être notre relation à une divinité si quelque chose comme une divinité existait. Eh bien, c'est une très bonne incitation à lire et découvrir ces textes d'Épicure. Merci beaucoup Julie Giovacchini d'être venue nous en parler ce matin. Lettre à Pythoclès, lettre à Hérodote, lisez-les chers auditeurs, ça changera la lettre à Ménécée que vous connaissez peut-être maintenant, en tout cas depuis lundi. On se quitte avec Blondie, Atomique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec l'atomisme d'Épicure ou plus généralement avec sa philosophie, sachez que vous n'êtes pas le seul. Le philosophe Frédéric Schifter avait beaucoup de choses à rétorquer à Épicure. Il lui a écrit une réponse qui s'appelle « Ménécée, deux points, le voluptueux inquiet ». On trouve ce livre aux éditions Louise Bottu. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, la discussion continue cette fois-ci avec Géraldine Mosna-Savoie et son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je dis la discussion continue, mais c'est entre vous et les auditeurs. Et d'ailleurs, ce matin, vous avez quelque chose à dire. Vous ne voulez plus entendre parler du coronavirus. Eh oui, les suspicions de contamination en France, fondées ou pas, le nombre de victimes qui s'accroît, l'horizon du confinement, les mesures de précaution, la capacité du gouvernement et des municipalités à faire face à l'épidémie, à mesure que le virus s'approche, j'ai adopté la position précisément inverse, le détour, le pas de côté, l'indifférence, autrement dit, le déni. En me penchant sur le terme, j'ai d'ailleurs vu qu'il était par définition mal vu, déni de grossesse, déni de justice. Les personnes dans le déni sont mal vu parce qu'elle n'aurait pas su ou voulu voir, justement. Mais le déni est-il un problème de volonté ou de savoir ? L'Italie du Nord tourne au ralenti. Le carnaval de Venise est arrêté, les musées et les écoles fermées, les matchs reportés. 11 villes sont placées en quarantaine pour 2 semaines. Depuis vendredi et la mort d'un premier Italien du coronavirus, le nombre de personnes contaminées se multiplie. De 6, il est passé hier à environ 150 et désormais 3 morts. L'épidémie agit comme un révélateur. Ce n'est pas nouveau. Face au désastre, quand on est poussé dans ses retranchements, notre nature profonde apparaît. Les séries et les films catastrophes jouent d'ailleurs là-dessus et nous livrent toujours des castings sans faille. L'égoïste, le débrouillard qui s'est transformé en stylo en tournevis, le bon samaritain ou bien le cynique qui voit dans la fin du monde l'opportunité d'une nouvelle vie. Mais avant la catastrophe, avant qu'elle ne devienne réelle, au moment de son imminence, quand il ne se passe encore rien et que tout est encore possible, que faire? Quels sont les profils types qui apparaissent à ce moment-là? Eh bien, il y a, je crois, deux grandes catégories de personnalités. D'un côté, les lucides et de l'autre, les naïfs. Et ces deux grandes catégories se divisent elles-mêmes en deux. Les lucides passifs, qui attendent la fin du monde, ils s'y sont résolus avec fatalité, et les lucides actifs, qui se préparent, font des provisions et des projections. Côté naïf, on a les optimistes, ils ne s'inquiètent pas car le monde va ainsi. Et on a les aveuglés, ceux qui n'y croient pas, à coup d'arguments ou pas. Mais il y a aussi ce type qui échappe à toutes ces catégories, celui qui n'en fait rien. Mes chers amis, ne nous voilons pas la face. Et voyez-vous, là j'ai un petit peu envie de m'arrêter là parce que je trouve que j'en ai déjà dit bien long. En effet, ne nous voilons pas la face car pourquoi se voiler la face? Comment comprendre que l'on puisse ne pas être inquiet, aveuglé, naïf ou d'une lucidité sereine face à l'épidémie ou à une autre catastrophe? Est-il vraiment possible de ne pas s'en préoccuper ou est-ce juste l'illustration parfaite de l'expression « se voiler la face » Le cas typique du déni. Le déni, par définition, est le fait de ne pas vouloir reconnaître comme vrai ou juste une chose qui est généralement reconnue comme vraie ou juste. Cette définition est intéressante car le déni est ici présenté comme le résultat d'une volonté, d'une action réfléchie, consciente et décidée. Mais est-ce vraiment ce qui se passe quand on est dans le déni? S'agit-il vraiment d'une décision, d'une question de volonté? Eh bien, j'ai du mal à croire que dans le cas d'une catastrophe, épidémie ou autre, on connaisse ses implications, mais que l'on décide tout à coup de ne plus les connaître. J'ai donc une autre hypothèse. Je crois que l'on peut savoir, mais que sans effet de décision, ce savoir peut ne rien faire. Il peut ne produire aucun des effets attendus, normalement escomptés. Là est le paradoxe du déni, non pas dans la volonté de ne pas vouloir, mais dans le fait de savoir sans savoir, et plus précisément, sans savoir quoi en faire. À chaque coin de rue se cache une guerre. Moi, comment peut-on savoir sans savoir? Ou plutôt, comment peut-on être face à un événement sans y faire face? La question se pose concrètement de nos jours par rapport à la catastrophe climatique, par rapport à des situations d'injustice dont nous sommes conscients sans pourtant agir. On loue pourtant beaucoup le fait de faire face, d'ouvrir les yeux. Mais le cas d'Œdipe dans l'Antiquité qui devient voyant, plus lucide en se crevant les yeux est pourtant frappant. De là, loin de moi l'idée de me culpabiliser d'un défaut de réaction face à l'épidémie, je me rabats sur cette idée que le déni ne veut pas dire que je n'ai pas vu ou su, mais que je n'en ai eu rien à faire. Eh bien, libre à vous, chère Géraldine, merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et promis, on ne vous parlera plus du coronavirus. Enfin, jusqu'à demain. Une chose cependant que je tiens à vous dire, et vous êtes au courant évidemment Géraldine, c'est qu'on donne rendez-vous aux auditeurs samedi 29 février à la Sorbonne, où se tient une journée spéciale organisée par France Culture. Vous le savez, régulièrement chaque année désormais, France Culture vous propose de retrouver certaines de ses émissions sur la scène du grand amphithéâtre de la Sorbonne, et on y sera samedi à 11h30 Géraldine. La journée porte autour du thème du conflit, 2020, la société face au conflit. Quant à nous, on se demandera à 11h30 si nous avons besoin des conflits. On sera en compagnie d'Hélène Leuillet, de Pierre-Judy de Lacombe, de Frédéric Worms et d'Alain Renaud. L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire sur le site de France Culture. Sur le site de la maison de la radio.fr. Merci Géraldine, et donc à samedi. À samedi, mais d'abord à demain, évidemment. La série sur Épicure continue demain. Ce sera la suite et fin de cette série. On sera en compagnie de Julia Sissa. Et on parlera de l'amitié si importante pour Épicure. L'amitié peut-elle venir au secours de l'amour? Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine avec Nicolas Berger, Inès de Bruyne à la prise de son aujourd'hui. Georges Clès à la lecture des textes. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain donc à 10h, comme tous les jours. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.